Le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Jong-un, a prononcé un discours à la conférence ministérielle du mouvement de non-alignement tenue les 15 et 16 au Venezuela avant le 17e sommet des pays non-alignés. Il y a stigmatisé les exercices militaires conjoints de nature agressive, l'usage des forces armées et les menaces continues à l'encontre de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance des pays membres en violant grossièrement les principes de la charte de l'ONU. Il a précisé, les manœuvres militaires américano-sud-coréennes d'envergure, qui sont effectuées plusieurs fois chaque année à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, constituent la menace militaire et la menace nucléaire sans précédent des puissances impérialistes contre un membre du mouvement. Tant que les États-Unis poursuivent obstinément la politique d'austérité envers la Corée pendant des dizaines d'années, nous avons besoin justement de la dissuasion et à condition que nos adversaires sont le premier détenteur nucléaire. Seules les armes nucléaires ont l'effet dissuasif. Nos armements nucléaires ne contreviennent pas au principe antinucléaire et à la non-prolifération des armes nucléaires du mouvement. Et si nous avons décidé de les renforcer, c'est une juste mesure autodéfensive pour se défendre contre la menace nucléaire permanente américaine. Les pays membres du mouvement de non-alignement doivent porter l'attention à la partialité, à l'injustice et à l'immoralité de la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée, qui contrevient à la position du mouvement. Si l'on la tolère aujourd'hui, une autre sera utilisée demain pour étouffer un autre pays membre du mouvement. Pour l'impartialité du Conseil de sécurité de l'ONU, il faut que les pays membres du mouvement au sein du Conseil de sécurité renforcent la solidarité d'action. Le gouvernement de notre République œuvrera à l'avenir aussi résolument pour les intérêts communs des pays membres du mouvement de non-alignement et coopérera étroitement avec eux.